Section 52 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 52. Les noces de Messaouda. Tableau algérien. Par Gustave Guillaumet. Chapitre 1. Aussitôt qu'elles ont défilé entre les roches fantastiques qui dominent la rivière d'El Kantara, les caravanes venant du Tell trouvent soudain l'enchantement des premiers pays sahariens. Devant elles, au milieu d'une nature jaune, dénudée, se déroulent, au même moment où on les touche, les 80 000 palmiers de l'oasis. Ces palmiers viennent égayer une cité morne, dont les maisons debout, durcies au soleil, se confondraient avec le sol aride, si de place en place, la verdure qui les environne n'offrait à leur teinte fauve un agréable contraste. Là, plus qu'ailleurs encore, l'arabe reste oisif, et l'inaction à laquelle il s'abandonne paraît affaiblir en lui jusqu'aux mâles énergies qui parfois font de l'habitant d'Exour. Note. Village fortifié du sud, Xar ou singulier. Fin de note. Un combattant redoutable. Blotti sous de sombres portiques pendant les jours brûlants, accroupi au soleil quand souffle le vent glacé d'hiver, la population d'El Kantara flâne et rêve presque toute l'année. La culture des jardins, l'entretien des canaux d'irrigation, le travail de quelques maigres terres de labour ne troublent que fort peu la vie contemplative de ces pachas nécessiteux, dont la frugalité égale heureusement la paresse. À peine a-t-on mis le pied dans les ruelles silencieuses que l'on devine à quelle pauvreté fatale sont exposés par leur faute les 2 milliers de Xouriens qui vivent ou végètent sur les débris encore debout de l'ancienne colonie romaine. Les maisons ne montrent au dehors que des façades endommagées, ayant pour toute ouverture des portes basses et mal closes. À l'intérieur, le luxe est limité aux ustensiles indispensables qui traînent sur la terre graisseuse. Les plafonds s'affaissent et crèvent en maints endroits, sans que l'indolence de ceux qu'ils abritent se mettent en peine de les réparer. Nul commerce dans les rues. Point de bazar, point de boutique. Aucun marché sur les places désertes. Les convois de chameliers, qui d'un bout de l'année à l'autre circulent sur la route du sud, ne s'y arrêtent que pour bivouaquer. Un groupe d'enfants jouant sans bruit, un passant isolé qui longe la muraille d'un palan, une femme glissant, avec son fardeau, vers une porte aussitôt refermée sur elle. Un aveugle, qui chemine à tâtons, quelque fiévreux, grelottant dans une encoignure, tandis que du bord des terrasses, les chiens lancent aux échos leurs aboiements. C'est à quoi se résume le mouvement extérieur. Sur les murs nus, les ombres montent et s'abaissent, mesurant le cours d'un temps sans valeur pour des hommes voués à la fainéantise, qui doivent leurs vêtements à l'industrie de leurs femmes et savent se contenter, tant bien que mal, du produit de leur jardin. Pendant que ces désœuvrés se laissent aller à la quiétude où se plaît leur âme engourdie, les ménagères supplées par un labeur constant aux besoins de la famille. Le bruit des meules et des pilons qu'elles agitent, percent les murs de leur retraite, et par l'entrebâillement des portes, au fond des rez-de-chaussée obscurs, on découvre les travailleuses courbées sous leur métier. Quand les fonctions domestiques ne les retiennent pas au logis, c'est la provision quotidienne de bois et d'eau, c'est le savonnage des nippes de la maisonnée qui les appelle au dehors. Les unes vont couper les genévriers qui poussent sur les crêtes des montagnes voisines. Les autres s'enfoncent sous l'ombrage des jardins. suivent la pente des sentiers qui descendent à la rivière, lieu tranquille où, loin de leur maître sévère, prolongeant les seules heures de liberté dont elles jouissent, elles prennent leurs ébats comme des écolières en récréation. Couvertes de bijoux et coiffées de volumineux turbans noirs, enroulées sur de fausses nattes en laine rouge et bleue, les laveuses barbotent dans la rivière avec des mouvements bizarres, tantôt droites et tantôt penchées, suivant qu'elles battent le linge ou le piétinent de leurs talons. Elles passent avec une rapidité étrange, d'une attitude de reine à une posture de singe. Autour d'elles, les floraisons du printemps répandent la douceur de leur teinte et la suavité de leur parfum. Dans les vergers suspendus sur les rives, s'entremêlent sous la verdure éternelle des palmiers toutes sortes d'arbres à fruits, impatients de verdoyer, revêtus de duvets délicats. L'aimable saison oppose alors ses tendres harmonies à l'éclat tapageur des costumes. Tout sourit aux yeux dans ce paysage exotique où serpente un frais cours d'eau entre des berges escarpées, sur un lit de galets que la lumière fait scintiller comme des pierres précieuses et qui foulent de leurs pieds nus des grappes de bambins, de fillettes et de femmes dont les oripeaux bariolés s'agitent dans l'eau claire, aux facettes azurées, sous un ciel incomparable. Fin de la section 52, lue par Margot.